الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc dans le dernier hadith pris, on avait cité At-Tayammum. At-Tayammum. Et ma'adhalika, kazalik zikr ba'd al-wudu, le zikr à faire après les ablutions, qui quelle est la récompense qui est méritante pour celui qui fait ce zikr, et quel est ce zikr? Une place au paradis. Une place au paradis. C'est immense, mais la récompense, elle est plus précise que ça. Elle rentre au paradis par la porte. Allez, hein? Par? Par la porte sautée. Taïeb. C'est pas Boubacre. Hein. C'est pas Boubacre qui rentre par la porte qu'il veut. Oui, mais le hadith, il parle de quoi? Tu l'avais dit, mais je sais pas pourquoi tu es parti ailleurs. T'étais dedans. Une place au paradis? Ah oui, parce qu'il y a une porte au paradis pour les, ceux qui disent ce qui s'est dit pour l'autre. Qui rectifie? Hein? Celui-là qui fait les deux attestations de foi après avoir fait ses ablutions correctes parfaitement, peut rentrer par la porte qu'il veut du paradis. Et combien sont-elles? 8. Okay. Hey, t'étais dedans, mais je sais pas, après t'as... Re-inchallah, barakallahu fik. Naam, hada. Et l'essuyage sur les pantoufles. Min mata yabda al-mas, à partir de quand le mas il prend effet? Ouais. Déjà, c'est quoi le tawqit, c'est quoi le temps où le mas est valide? Dès qu'on met nos chaussettes ou autre, après, dès qu'on fait nos ablutions, les enfiler en étant en état de purification. Voilà. Arsent, oui. Donc là, on a un jour, celui qui est résident. Un jour et nuit, Arsent pour le Muqim. Et trois nuits, Arsent. Le Musafir, la Wu Salaft Ayem. والليالي أحسنت بارك الله فيكم ثم أخذنا التيمم que l'on nomme ablution sèche. Comment on fait التيمم? Tapote une fois sur la terre, mm-hmm. puis avec la main gauche sur la main droite, mm-hmm. et une fois sur le visage. Arsent. Et également on peut faire en tapant le sol et commencer par le visage et après les mains, car les deux le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et c'est quoi les shurut permettant le tayammum? S'il n'y a pas d'eau, hein? Si on a une maladie par rapport à, peut-être à l'eau. Ou s'il y a un mal, utiliser cette eau. Si l'eau est présente, mais il y a une nuisance à utiliser l'eau. Arsentum. Donc, wasil fil hadith al-sabi' wal-ashirin. 27e hadith, bi'anwan sifat ghusl al-janabah. Qui est le descriptif du lavage de Al-Janab. Et ce ghusl, il est valable pour Al-Janab. C'est le même ghusl qu'on fait pour le Jumu'ah, également, et aussi pour la femme qui se purifie des menstrues. Neuf ça. Voilà. Ou des louchis. La nifas, c'est les sang qui coule après un accouchement. Qal. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفنا على رأسي ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه. Donc, selon Aïcha, et justement, ça c'est parmi les fawa'id des épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car seules elles peuvent décrire ce genre de situation qui relève de l'intimité, mais qui sont une obligation pour chacun. Comment faire ses roues sur le djanaba? Et ça, bah, c'est la femme qui va le voir de son mari, ou le mari qui va le voir de sa femme. D'accord? Car évidemment, si tu le fais en dehors de ça, il n'est pas permis aux gens de se voir nus. Voyez, non. Donc justement, il y a eu un gros profit de la part des épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre autres Aïcha, pour les hadiths qui sont propres aux actes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la maison, dans l'intimité. Donc elle disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se lavait d'El Janaba, il commençait par se laver les mains. D'accord ? Puis, il faisait couler l'eau depuis sa main droite sur sa main gauche. Et avec sa main gauche, il se lavait ses parties génitales. Parce que vous savez, après un rapport, c'est entaché de certaines substances. D'accord ? Que ce soit celle de l'homme ou le contact avec celle de la femme. Donc il nettoie ces parties-là avec sa main gauche. Et ce rousse, bien sûr, est valable pour la femme, il est pareil, similaire. D'accord ? Elle lève ses parties génitales avec sa main gauche, tout ce qui peut rester comme résidu ou quoi, lié au rapport. Ensuite, il faisait ses ablutions. Comme celle qu'on fait, normal. D'accord ? Il faisait ses ablutions pour la salat. Ensuite, il prenait l'eau, c'est-à-dire dans sa main, et faisait rentrer ses mains, ses doigts, dans sa base capillaire. Entre ses cheveux. Ça, c'est pour les gens qui ont des cheveux. Il y en a, ils n'ont pas de cheveux. Ils se rasent, autant ils ont les cheveux très courts, c'est pas trop utile, et ils ont les cheveux, mashallah. Pas mal ? À ce moment-là, Nabi Salam avait des cheveux. Il avait des cheveux. Il a eu tout. Nabi Salam, il a été rasé. Il a eu les cheveux courts et les cheveux mi-longs jusqu'aux épaules, à peu près, au lobe des oreilles. Il a eu toute forme de coupe de cheveux. Ce qui prouve qu'à la base, c'est légiféré. Ce qu'il faut, c'est que la coupe, elle soit uniforme. D'accord ? Ce qui est interdit chez les hommes, c'est le kazar. Le kazar, c'est quand tu as une partie des cheveux qui est présente et l'autre qui est rasée. C'est ça qui est interdit. Taïeb. Et aussi des coupes extravagantes. Alors, je sais pas, même si t'as les cheveux, tu fais une crête, tu fais des trucs. Ah, c'est toujours le téchab bourbil, le koufar. Donc, il rentrait ses doigts dans sa base capillaire. Juste ce qu'il voit que l'eau atteint toutes les parties. Parce que le but, c'est que l'eau atteigne toutes les parties du corps. Puis, il puisait de l'eau avec ses mains et versait trois fois sur sa tête. Dans un autre hadith, c'est cité qu'il commençait par le côté droit, après le milieu, et après le côté gauche de sa tête. Puis, il versait l'eau, le reste de l'eau, sur le reste de son corps. C'est-à-dire au début, côté droit de la tête, milieu de la tête, droit de la tête. Ensuite, l'eau, il verse sur le reste de son corps, en commençant également par la droite. Et il faut que l'eau touche tout ton corps. D'accord ? T'as pas compris ? Voyez, au début, il se lave les mains. Après, avec sa main droite, il verse de l'eau sur la main gauche. Avec sa main gauche, il se lave les parties génitales. Après, il fait ses ablutions, comme pour la salate. D'accord ? Après, avec ses mains, ses doigts, il rentre ses mains dans sa base capillaire. D'accord ? Ensuite, il fait des puisées, première puisée avec ses mains, il se lave sur le côté droit de sa tête. Après, une autre puisée, milieu de sa tête. Après, troisième puisée, gauche de sa tête. Et ensuite, il verse de l'eau sur tout le reste de son corps. Même ta'ala ? Taïeb. Et ensuite, il lavait ses deux pieds, à la fin. Bien sûr, pied droit, puis pied gauche. Donc le but du rousse, à la base, c'est que l'eau touche... Là, c'est le rousse, le sunna. Faire l'ozo, en soi, n'est pas une condition dans le rousse. Mais ça, c'est plus complet. Plus parfait. Hein ? Et le but, c'est que l'eau touche tout ton corps. Que l'eau atteigne toutes les parties de ton corps. Et pour nous, les hommes avec la barbe, d'accord, le but, c'est pas rentrer tous tes doigts, mais c'est que l'eau elle atteint toute la barbe, parce que l'eau ne pourra pas rentrer. Voilà, la barbe, ce côté-là, là, c'est un peu, on va dire, c'est un peu étanche. Mais il faut que, avec tes mains, toute ta barbe, elle ait été mouillée. Mais sinon, le but de base, c'est que les cheveux le afwan, l'eau touche la peau. Et également les femmes qui ont des tresses, par exemple, d'accord, n'ont pas à les défaire. Ça a été rapporté que des femmes du Nabi Sallam étaient tressées, et que pour se faire le gros, ça a demandé si elles devaient défaire leurs tresses, et non. Elles versent sur sa tête normalement. Donc voici la sifat du rousl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam selon la sunnah. Après, il y a eu d'autres riwayat, mais celle-ci, c'est la plus complète. Et ce rousl est obligatoire pour le junub. Le junub, celui qui est en état de janaba, qui a eu des rapports. D'accord ? Qui a eu des rapports avec son épouse, ou l'épouse avec son époux, ainsi de suite. Et même ce qu'on fait dans le haram, même si c'est interdit, ils doivent quand même le faire. Donc quelqu'un, je ne sais pas moi, il a fait zina, il a forniqué, il veut faire salat, il doit faire le rousl, malgré tout. Ce qu'il a fait, c'est haram, c'est une kabiyala, malgré tout, il doit faire le rousl, parce qu'il en est le janaba. Ça, c'est pareil. Et la femme qui lui s'est monstrue, d'accord, et la femme, après un accouchement, après c'est nifas, c'est de l'oshi, elle doit se laver de la sorte. En tout cas, de cette façon-là, c'est la plus complète. Alhamdulillah. Donc, il dit dans le Sharh al-Ijmali, « Bayyanat Umm al-Mu'minin Aishatu radiyallahu anha fi hadha al-hadith kayfiyat ghusl an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min al-janaba. » Donc, dans ce hadith, Aisha a démontré, a expliqué comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait son ghusl. « Anna wiza rada al-ghusl ghasala kaffayhi awwalan liannahuma alat al-ghurf. » Donc en premier lieu, elle disait qu'il commençait par ses mains, car c'est avec ses mains qu'il puise l'eau, donc il faut que ses mains soient propres. « Summa yarsilu farjahu. » En plus, après, il lavait sa partie génitale. « Summa yatawaddahu wudhu'ahu kamilan kama yatawaddahu lis-salat. » Ensuite, on va aller comme ça. Il faisait ses ablutions complètes, comme pour la salat. Fayatamadmad wa yastanshiq wa yastanthir. Donc il fait rentrer l'eau dans sa bouche, dans son nez, puis l'évacue, comme dans le dos. Pareil. Wa yarsilu wajhahu wa yadayhi ila al-mifaqayn. Puis il lave son visage, puis ses mains, avant-bras jusqu'au coude, comme dans les ablutions normales. Wa yamsah ra'sahu wa udhunayhi. Puis il essuie sa tête et ses oreilles. Wa yarsilu rijlayhi ila al-ka'bayn. Et selon une compréhension, on peut penser que il fait ses pieds à ce moment-là jusqu'aux chevilles. Et d'autres ulama disent, en réalité, les pieds les fait à la fin comme dans le hadith. Mais dans le hadith, ça dit quoi, Aïcha ? Qu'il fait ses ablutions, comme pour la salat. Donc les ablutions de la salat, qu'est-ce qu'on y fait ? Voilà. Et d'autres disent, non, le hadith dit que les pieds les a fait à la fin. Donc en fait, tu comprends les deux. Les deux, c'est valable de toute façon. D'accord ? Que tu fasses le lavage des pieds là maintenant, d'accord, et tu le refais encore après le ghusl, comme dans le hadith, il y a ma yador. Si jamais tu ne laves pas tes pieds à ce moment-là, mais tu laves après le ghusl, ça c'est compté pareil. D'accord ? L'interruption qui est entre le ghusl et le lavage des pieds n'unit pas parce que tu es toujours mouillé à ce moment-là. Donc il y a ça, il y a ça. Wa insha'a akhara ghusl rijlayhi ila akhir al-ghusl, comme on dit. Et s'il veut, la personne, elle lave ses pieds à la fin. D'accord ? Elle fait à la fin une fois qu'elle a fini de se doucher. Puis il commence à laver tout son corps. Donc là, il fait passer l'eau dans ses cheveux avec ses doigts. Et c'est ce qu'il voit, qu'il a mouillé toute sa tête, tous ses cheveux. Puis là, après, à ce moment-là, il verse l'eau sur lui trois fois, sur sa tête, mais ça coule sur le reste du corps. Une fois, deux fois, trois fois, d'accord ? Et ensuite, il mouille tout son corps. Et ensuite, d'après le hadith, c'est là que tu laves les pieds. Ça va ? Et c'est également une sunna, comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de faire son ghusl avec son épouse. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait à Aïcha qu'il se lavait d'un même récipient. فوائد الحديث مشروعية الغسل من الجنابة سواء كان ذلك لإنزال المني أو لمجرد الإلاج. Donc là, ça montre qu'il est légiféré de faire le ghusl de la janaba pour une personne qui aurait eu une simple, un homme, ou même une femme lors d'un rêve, éjaculation. Même si il n'y a pas eu de rapport. Tu as fait un rêve ou quoi ou quoi, le sperme est sorti, le ghusl est obligatoire. La femme a fait un rêve, elle a vu qu'elle a eu des pertes dans la nuit, puis lui à cela, elle fait son ghusl. Ou alors, s'il y a eu un acte direct avec pénétration. Même s'il n'y a pas eu éjaculation, quoi. Le simple fait qu'il y ait une pénétration, c'est obligé, tu fais le ghusl. D'accord ? Mashru'iyati ghusl kaffayn wal farj qabl al ghusl, qu'il est légiféré également de se laver les mains et les parties génitales avant de commencer le ghusl. Thalithan, mashru'iyati al-wudu qabl ghusl al-janaba. Également, il est légiféré de faire les ablutions avant de commencer le ghusl. Et ça, tout ça, c'est sunnah. D'accord ? C'est sunnah de le faire. Et si tu ne fais pas, crois pas que ton ghusl est invalide. خامسا جواز اعتراف الجنب من إناء الماء الذي يغتسل منه. Et qu'il est permis à celui qui est junub, c'est-à-dire qui est en état de janaba, de puiser avec sa main depuis un récipient. Et de se laver de ce récipient-là. سادسا أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل الكفين ثم غسل الفرج ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وإيصال الماء إلى جميعه ثم غسل بقية البدن. Donc le ghusl qui est parfait, la façon de faire qui est parfaite, c'est celle-ci. De commencer par se laver les mains, puis se laver les parties génitales, puis faire les ablutions, puis faire passer l'eau dans ses cheveux, et puis sur toute la tête, puis tout le corps. سابعاً أن الحديث عفواً الحدث الأكبر أشد من الأصغر لأنه يجيب الغسل من جميع البدن حتى الرأس. Ce qui montre que l'impureté majeure est plus conséquente que la mineure, car l'impureté majeure implique un lavage, contrairement à la mineure qui elle n'implique que les ablutions. Et question. Ce ghusl est obligatoire dès que t'as eu. Dès que t'es en janaba ? Non. Non. C'est obligatoire. Mmh. Dès que t'es en janaba, tu vas faire le ghusl ? T'as fini ? Non, non. C'est une sunna de le faire janaba. C'est-à-dire ? Dès que t'as fini de quoi, par rapport à ça, t'as un rapport avec la femme. Mmh. Bah, c'est avant de dormir, par exemple ? Ouais, je pense, ouais. C'est obligatoire. Non, mmh. Ça va, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est que tu sois purifié pour la salate. D'accord ? D'ailleurs, tu as eu tes rapports dans la nuit, tu veux faire ton ghusl avant le fajr. C'est ça qui est obligatoire. C'est que dans la salate, tu sois à la tahara. La sunna, c'est de le faire avant de dormir. Quand même. Et il a été interrogé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam par Omar. Il dit Ayarkud ahaduna wa junub. Et il a dit Naam. Est-ce que l'un d'entre nous peut dormir alors qu'il est en état de janaba ? Il a dit oui. Et le meilleur, c'est de faire l'ozo avant. L'ozo. Et après, au réveil, avant la salat, il fait ghusl janaba. Et même si tu fais ni ozo ni ghusl, c'est permis. Et pour ceux qui ont des rapports entre époux, et que l'homme, par exemple, a eu, ils ont fini, on va dire, leur rapport et qu'ils veulent continuer, la sunna, c'est de faire les ablutions. Ça, dynamise. Après, s'il n'a pas fait les ablutions, qu'il veut continuer, il peut continuer. D'accord ? Mais faire les ablutions, apparemment, ça redynamise. Ça redonne de l'énergie. Taïe. Thummaqal, donc on a dit, cette façon de faire le ghusl, elle est valable pour toute situation, il faut faire un ghusl. Janaba. Min al-Haid, le menstrue, pour le Jumu'ah, et Nifas, pour la femme qui a accouché après ses louchis. Hakada. Taïb. Yakul al-Haid, mani'un min sihat as-salat. Donc le 28e hadith, que les menstrues interdisent d'accomplir la salat pour la femme, bien sûr. L'homme n'a pas de menstrues. Donc ça, c'est un jugement pour la femme. Après, il y a des femmes qui n'ont pas de menstrues. Mais de base, c'est que la femme a des menstrues. Et les menstrues, c'est une chose qu'Allah Azzawajal a écrit sur Benet Adam. D'accord ? Parce que certains disent que c'est un châtiment à cause des filles de Bani Israël. Qu'Allah les a châtiées en leur mettant les haïz. Et en réalité, non. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « ala Benet Adam ». Ou Bani Adam, en fait. « A Benet Adam », non. Que c'est une chose qu'Allah Azzawajal a prescrit, a décrété dans leur création, qu'elles soient comme ça, qu'elles ont leur menstrues. Et les menstrues ont beaucoup de fawaïd. Elles ont une raison d'être. D'accord ? Il n'y a rien qui a été fait comme ça. « An Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alaysa hadha hadhat al-mar'ah lam tusalli wa lam tasum, qulna bala, qala fadhalika min nuqsan diniha muttafaqun alayhi. » Donc selon Abu Sa'id al-Khudri, dont on a déjà pris la tarjama auparavant, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, ni elle ne fait la salat, ni elle ne fait le siyam. Elles ont dit en effet, les femmes. Elle a dit, donc c'est cela, sa défaillance au niveau de la religion, son manque au niveau de la religion. Parce qu'à la base, le hadith, il parle de quoi lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un hadith, on le cite, je sais, il sert la poitrine de beaucoup de femmes, mais bon, c'est, voilà, quoi. C'est une révélation, c'est comme ça. C'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après le salat du Eid, est parti voir les femmes pour qu'elles fassent sadaqa. Le tasadakna. Fainu raïtukunna akthar al-nar. Il a dit, faites sadaqa, car j'ai vu, vous étiez les gens les plus nombreux du feu. Il y a une femme qui a dit, pourquoi ? Ya Rasulallah. Pas pourquoi contestation, mais c'est quoi la cause ? Pour qu'on l'évite. Faut qu'on ne soit pas parmi seulement cette grande majorité des gens du feu. Il a dit, takfurdan ashir. Vous êtes ingrate dans la vie conjugale, vous plaignez beaucoup. Watal anun. Et vous insultez beaucoup, vous maudissez beaucoup, c'est-à-dire vous parlez mal. Et après il a dit, maraitu min naqisat al-aql wa din min ihdakunna tudhib lub rajul hazim. Je n'ai pas vu de créature à la raison défaillante et la religion défaillante, comme l'une d'entre vous, faire perdre la raison à un homme déterminé. Et donc, c'est là qu'elles ont interrogé Manoxon Dilina ou Manoxon Aklina. D'accord ? C'est quoi la raison de notre défaillance au niveau de la raison et de la religion ? Et il a dit, la Noxon, la défaillance au niveau de du din, c'est le fait que lorsque vous avez vos menstrues, on ne fait pas la salat, ni le siyam. C'est-à-dire, vous faites mon adoration, mon acte. C'est quoi déjà le. Donc, son énacle ? Merci. Il faut deux shahadats d'une femme pour celle d'un homme. Elle a donc son akliha. Que lorsqu'il y a un témoignage à faire pour une chose qui est liée, le témoignage de deux femmes valent celle d'un seul homme. D'accord ? Car la femme, elle confond beaucoup, elle oublie beaucoup, elle mélange beaucoup par rapport à l'homme, et dans ce qui touche aux vies ou quoi, c'est très important. Donc il a dit, Azam inoxon diniha. Et c'est une chose qu'Allah a prescrit pour la femme, elle a été créée de la sorte. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas elle qui l'a choisi, c'est comme ça. Et c'est à nous de nous y faire, de nous y adapter. Mais ce qu'il faut, c'est que la femme le reconnaisse et l'admette. Car ça, c'est une chose qui est dure à admettre. Et tu vas avoir beaucoup de sœurs de la bouche l'admettre, mais tu verras qu'au fond d'elle, il y a un problème. C'est admis, mais elle n'aime pas l'entendre. Elle n'aime pas qu'on l'en fasse réaliser. Il est même rahimallah. À part ceux qui sont vraiment muafaka pour la modestie, pour admettre, c'est vrai, c'est comme ça qu'elle m'a créé, c'est comme ça que je suis, je l'admets, je l'accepte. Et voilà. Voyez. Et le problème, c'est que beaucoup de ceux qui ne l'admettent pas, Masalène, elles ne vont pas te l'admettre, comme je dis verbalement, elles vont toujours dire oui, c'est vrai. Mais au fond d'elle, tu vois que le fait que Allah Azzawajal ait donné une supériorité à l'homme, eh ben, ça en dérange parce qu'on était éduqué à une égalité des sexes. Principalement ici. L'homme et la femme sont égaux. Et vous savez qu'en religion, ce n'est pas le cas. D'accord? Et ça, c'est Allah qui l'a décrété, ce n'est pas le cas. Et de là, certaines, malheureusement, s'emportent dans cette chose-là qui, comme je l'ai dit, elles le reconnaissent verbalement, mais au fond d'elles, c'est pas acquis. Et donc, lorsqu'un homme, selon elle, fait abus de pouvoir, car c'est vrai qu'il y a des hommes qui font abus de pouvoir, c'est vrai, ils abusent de leur statut d'homme, d'accord ? C'est de l'injustice, il y en aura toujours eu, il y en aura toujours, c'est une chose qu'Allah la Qadar, tout comme il y a des criminels, tout comme il y a des gens qui font du mal, t'as des hommes qui abusent de leur pouvoir, d'accord ? Ils ont des femmes qui sont raisonnables, qui font les choses, et lui, il vient, il veut l'écraser, encore plus, là. Malgré tout, et t'en as, ils font pas cela, mais la femme en elle, elle n'arrive pas à admettre cela, et lorsqu'il arrive que l'homme, il lève la voix, ou il donne un ordre, ou des choses qu'Allah lui a donné comme droit, tu vois, il y en a, ça leur passe le nefs. Tu vois, et quand ils rappellent la chose, ça passe encore plus le nefs. Tu vois. Et après, tu arrives à un stade où ça emploie des termes inventés par les koufars pour taper la religion, à la base, pour taper toutes les religions. Car dans toutes les religions, tu verras, enfin, les religions qui ont été révélées, que l'homme, la femme, a toujours eu un statut en dessous de l'homme. Tu verras chez les juifs, c'est comme ça. Tu verras chez l'ensemble de base, c'est comme ça. C'est une chose qu'Allah Azzawajal, il a écrit comme ça, tu vois. Et donc de là, les koufars, ils ont inventé un terme qui malheureusement, beaucoup de sœurs aiment fredonner. Elles ne savent pas qu'en réalité, elles sont en train de mettre une balle dans le revolver du kafir pour qu'ils tirent dessus avec. C'est le terme de misogynie. Tu vois. Misogyne. Donc on rappelle aux sœurs ce terme-là. Wallah, quand vous faites ça, vous servez la cause des koufars, vous n'en rendez même pas compte. C'est comme le mot islamophobie. Ce sont des termes, ils ne servent à rien du tout. Ou le mot homophobie. D'accord ? Ce sont des termes, ils ne servent à rien du tout. Car ce que les koufars ont voulu faire par le terme de misogynie, c'est de dire que la femme, dans son ensemble, elle est rabaissée. Et ça, c'est des termes qui ont été inventés par des gens qui veulent mettre la femme au même stade que l'homme. D'accord ? Que la femme, elle a le droit de sortir, elle n'a pas à être au foyer, elle n'a pas à obéir à l'homme, elle est comme lui, ainsi de suite. Donc, avoir ce sentiment de supériorité. Ils appellent ça masculinisme, encore des termes, voilà, ça ne sert à rien du tout. Qu'un homme qui agit de la sorte, c'est un machiste ou un misogyne. D'accord ? Et quand tu regardes bien pourquoi je dis que ce terme ne sert à rien, parce que ce côté misogyne dont les sœurs se plaignent, il existait avant l'islam. Et le Nabi n'a jamais employé de terme qui appelle à cette misogynie. Avant, dans la Jahiliya, les femmes étaient vraiment maltraitées à un niveau incroyable. Elles n'avaient aucun droit. Quand un homme était marié qui mourait, la femme était héritée par son frère. La femme n'avait aucune part d'héritage. La femme, elle n'avait jamais son mot à dire, rien du tout. D'accord ? Et pourtant, ce que Nabi Salam a dit, ouais, la GLS, c'est des misogynes. Karih, Anissa, ça n'existait pas ce terme-là. Mais l'islam est venu donner des droits à la femme, l'élever. D'accord ? Et ensuite, les koufars sont venus à un truc. Et bien on va la surélever. D'accord ? Qui en réalité, cette surélévation est un rabaissement pour la détruire. Lui faire croire qu'elle a droit à ça, une chose qu'elle ne va pas supporter, qui va la détruire. En embellissant la chose. Tu as le droit de faire ça, tu peux faire ça, tu as le potentiel de faire ça, ainsi de suite. Et la femme dit, oui, c'est vrai, en plus je peux le faire. D'accord ? Et elle rentre dedans, ça lui embellit, elle le fait, et en fait, elle s'auto-détruit, elle ne s'en rend même pas compte. Et quand un homme vient pour lui rappeler, t'as misogyne. On dit non, juste te rappelle la place que l'Azrael t'a donnée. C'est pas des misogynies. À l'époque même, des femmes des sahabas se plaignaient du comportement de leurs époux. Est-ce que Nabi Salam a dit que vous êtes des misogynes ? Il a combattu les misogynies, Nabi Salam ? Non, il faisait un rappel à l'homme qui abusait de son droit. Ça, ce n'est pas ton droit. Par exemple, des femmes s'étaient plaintes qu'elles se faisaient frapper par leur mari. Il a dit Nabi Salam, Ha'oulai, Leisoum, Dhriyalikoum. Ceux qui frappent leurs femmes comme ça ne sont pas les meilleurs d'entre eux. Il a dit vous êtes des misogynes. Et ça arrive à plusieurs fois qu'il y a eu des conflits conjugaux où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, par exemple lorsque Hind est venu se plaindre que Abu Sofyan ne lui donnait pas son droit dans la nafaka. Il lui a dit Rose Mayakfiki au Libiniki Bimaralouf. Elle n'a pas dit c'est misogyne ton mari, il ne donne pas d'argent. Non, il lui a dit prends ton droit. Lorsque cette sahabiyat, c'est Fatima bint Qais, a voulu se marier à l'échange de Muawiyah et Abu Jahan. D'accord ? Il a dit Abu Jahan, Rajulun, Layador, la Asam bin Atiqi. Il a toujours le bâton sur le dos, c'est-à-dire que c'est un homme qui frappe les femmes. Est-ce qu'il dit c'est un misogyne ? Il a dit c'est un homme qui frappe les femmes. Donc ce sont des faits chez les hommes de façon générale, qui n'est pas parfait, qui ont toujours existé, et pourtant qui n'ont jamais été catégorifiés par ce genre de termes. Ces termes-là, c'est les koufars qu'ils ont inventés. Misogyne, pourquoi ? Pour dire à la femme, en religion, tu es maltraitée. Que tu sois une chrétienne, que tu sois une juive, aujourd'hui, bon, c'est l'islam, tu es une musulmane, tu es maltraitée. D'accord ? Les hommes n'ont pas le droit de te faire forcer à faire ça, ça, ça, ça, ça. Par exemple, demain, tu vas avoir un kafir, tu dis, moi, ma femme, si je veux des rapports avec elle, elle est obligée d'obéir, mais t'as misogyne. Ils appellent ça un viol conjugal. Tous ces termes-là, ils viennent pourquoi ? Pour donner à la femme une chose qui ne lui revient pas. Et quand tu parles de cela, tu es un misogyne. Donc on dit aux sœurs de craindre Allah Azawajal dans les termes qu'elles emploient. Si ton mari abuse de toi, tu peux t'en plaindre et le faire savoir avec ilm, avec adab. Elle m'a employé des termes comme ça qui servent à rien. Tu es en train de montrer qu'en fait tu es une ignorante et que tu joues le jeu des koufars. Parce que quand les koufars parlent de misogyne, d'accord ? Le terme misogyne n'a pas été employé pour ça. Et si ton mari abuse de toi, va voir avec Aoulié, si t'en as, va voir avec les frères qui le connaissent pour dire ouais, le frère il fait ça, ça, ça, ça. Conseillez-le qu'il arrête, ainsi de suite. Mais ces termes-là, misogyne, ils servent à rien. Elles vont dire, bah, vous aussi le féminisme ne sert à rien. Je fais non, parce que c'est un truc qui est nouveau, ça, le féminisme. Elle pour dire, mais ça n'existait pas, ça, le féminisme. Alors que ce que vous traitez de misogynie, ça existait depuis avant l'islam. Alors que le féminisme, maintenant, c'est une chose nouvelle qui existe depuis. Ça se développe beaucoup. C'est que, on l'explique, c'est quand une femme veut prendre des droits qui ne lui reviennent pas. Et prendre une place qui n'est pas la sienne. Et le terme préféré des féministes, c'est le misogyne. Tu vois, ça va ensemble, hein, ça va de. Voilà. Ou comme le terme, vous disiez tout à l'heure, homophobe. C'est quoi un homophobe ? C'est quoi un homophobe ? Selon les koufars, c'est quoi un homophobe ? Ouais. Et nous, en islam, c'est quoi le hukm de l'homosexualité, c'est quoi ? Hein ? Moi, je te parle de quelqu'un qui n'a pas agi, mais qui a un sentiment en lui d'attirance d'homme pour un homme ou une femme pour une femme. Est-ce que ce sentiment, il est approuvé en islam ? Est-ce que toi, en tant que musulman, tu peux approuver quelqu'un qui ressent ça ? Non. Par contre, tant qu'il n'a pas agi, tu ne touches pas. D'accord ? Il n'y a pas de sentence sur lui. La sentence, c'est quand il agit. Et à la base, c'est pour l'homme, parce que la femme n'est pas vraiment de. C'est surtout pour l'homme. Donc, on va dire, je suis homophobe. Ça veut dire quoi, homophobe ? Que j'aime pas ça. Ce terme, il ne sert à rien parce que je n'aime pas l'homosexualité, tout comme je n'aime pas l'alcool, tout comme je n'aime pas les drogues, tout comme je n'aime pas le vol, je n'aime pas la justice. Donc, inventez un mot pour chacun de ces trucs-là. L'homosexualité, c'est une chose qui est interdite en religion. C'est tout. Ça sert à rien de trouver un terme propre à ça si on voulait trouver un terme à toutes les choses qui sont interdites en islam. On n'aura pas fini. Donc, au lieu de dire je suis homophobe, je dis je suis musulman. Et en islam, c'est interdit. Même chez vous, c'est interdit. Chez les juifs, c'est interdit. Chez les chrétiens, c'est interdit. Et même dans la raison saine, humaine, c'est pas accepté. Donc arrêtez avec votre thème. En fait, c'est voilà comme on dit, c'est comme misogyne, c'est pour faire embellir des choses, donner des droits à des gens qui n'en ont pas. Leur donner une place qu'ils ne méritent pas d'avoir. Vous voyez ? Aujourd'hui, on veut que ce genre de choses, embellir le mal. Et enlaidir le bien. Faire passer celui qui est sur le bien comme une personne injuste, un tyran, et celui qui connaît le mal, une victime. C'est appelé bil-haqa'iq. C'est pas qu'on dit que vous parlez aux frères, aux sœurs, homophobes, sortez-le de votre vocabulaire, hein, ce mot-là. Faut le réduire du lexique. Le mot misogyne, faut le réduire du lexique. Le mot islamophobe, faut le réduire du lexique. C'est des mots, ils servent à rien du tout. C'est les koufars qui les ont inventés. Ou même les musulmans, alors pire encore, qui disent islamistes. Alors ils me font rigoler. C'est un musulman, t'appelles islamiste. Tu vois, même un kafir dit je suis un islamiste. Si tu le demandes, c'est quoi un islamiste ? Demande-moi, c'est quoi un islamiste ? Il va te le décrire, te dire ça, c'est un musulman, ça. Et tu dis, c'est quoi un musulman ? Et il va te faire une description, tu dis, ça, ce que tu me décris, c'est pas un musulman, ça. Tu vois ? C'est comme ceux qui viennent là, qui viennent. Pour vous dire la preuve, hein, le fait, c'est que les gens qui sont. J'ai vu sur les réseaux, certains qui ont apostasié, qui veulent faire du mal aux musulmans, et ils écrivent des écriteaux, ils ramènent du porc. J'arrive dans la mosquée, mais du porc. Je fais, et alors, t'as mis du porc, ça fait quoi ? Pour lui, le musulman, c'est pour nous, le porc, c'est la pire des choses. Il dit, mais non. Regarde, ton soussou, je le prends, je le jette. Je suis mort. Juste, je le mange pas. Je le prends, je le touche. Et même pour moi, je me c'est pas impur. Regarde, ton soussou, regarde, je le prends. Moi-même, je le soulève. Tu vas faire quoi ? Ça fait quoi ? Juste, je le mange pas avant de le manger. Je le mets à la poubelle. Voilà. Ou je donne un chien qui passe, tiens. Je suis mort. Voilà, pour eux, ils viennent, tu vas le voir avec une bouteille d'alcool et un cochonou. Tu dis ça c'est haram. Mais celui qui, le musulman qui le prend, c'est pas un kafir. Par contre, t'as des musulmans qui font du kouf, ils réagissent même pas. Tu dis toi que t'as rien compris à l'islam toi-même. Donc si tu vas voir un kafir, c'est quoi un musulman, il va même pas pouvoir te le décrire. Tu vois. Quand tu vas le décrire, tu dis ah, c'est un islamiste ça. Non, c'est un musulman ça. Ça, c'est pas un islamiste, c'est un musulman. Tu vois, peut-être t'as pas compris. Et bah t'as, maintenant, t'as des musulmans qui vont dire ouais, l'autre c'est un islamiste. Dis, arrête de te dire ça, toi, s'il te plaît. T'es comme ces femmes qui parlent de misogynie, ou qui parlent d'islamophobie, ou ces musulmans qui parlent d'homophobie, ou. Arrête, ces termes-là, faut les oublier, ces termes-là, ça va à rien du tout. Tu vois. T'as déjà entendu un judaïste? T'as déjà entendu un christianiste? Ça, c'est juste pour nous, ça, islamiste. Voilà, c'est ça. Quand c'est un juif, c'est orthodoxe. Quand c'est nous, c'est un radical, c'est un islamiste. Machallah. Quand c'est nous, c'est le coup de batte. Et quand c'est eux, c'est des termes, tu vois, polis. T'entendras. Selon l'accepte, tu là. D'accord. Donc on dit aux gens, aux musulmans, attention aux termes que vous employez et surtout avec qui vous employez. Ça, c'est des termes, il faut les rayer du lexique. Il y a d'autres termes pire que cela, hein, comme ceux qui jurent sur la tête de leur mère, ainsi de suite. Ça, c'est pire encore, tu vois. C'est des termes aujourd'hui, ils se développent, et le musulman, il parle, il croit qu'il dit du bien, il est en train de faire un mal pas croyable. Tu es en train de mettre, comme je t'ai dit, une balle dans le revolver du café pour qu'il tire avec dessus. Ou comme on dit, tu tires une balle dans le pied. Tu t'en rends même pas compte. Donc ça, c'était une parenthèse par rapport à ça. Donc on revient à le hukm de la femme qui a ses menstrues, qu'elle ne fait pas la salate et qu'elle ne fait pas le siyam. Le hukm, c'est qui a décrété cela? C'est Allah. Okay. Parce que quand on va loin dans leur réflexion, on va dire, ben, le jugement, là, il est misogyne. La salate, elle vous est interdite à vous, qui est le deuxième pays de l'islam, qui est le meilleur des actes. Pourquoi on n'a pas le droit? Il n'y a pas de plainte auprès de moi. C'est pas moi qui l'ai décrété, c'est Allah Azzawajal qui l'a décrété. Parce que quand on regarde bien les femmes qui parlent de misogynie, hein, ça implique qu'elles vont traiter le Nabi Sallam de misogyne, et les sahabas de misogyne. Mais on ne va pas le dire. Non, c'est toi, juste toi. Le mari, toi, c'est toi le misogyne. J'ai fait quoi qu'il y ait un abus de pouvoir par... Si tu prouves que j'ai tort, l'homme doit faire tout au bas. On lui prouve qu'il a eu tort dans son jugement, son comportement, il doit faire tout au bas, c'est vrai. Mais si il a raison, ou que tu grattes bien, tu vois que ça revient à un dalil, ça revient à un comportement qu'il y a eu d'autres personnes, tu dis, ben, ce terme de misogynie, applique-le à d'autres personnes qui étaient meilleures que moi, auparavant. Tu ne pourras pas le faire. Donc la prudence, c'est quoi? C'est tenir à sa langue. Attention au terme qu'on emploie. Donc n'oubliez pas, cette misogynie, c'est un terme inventé par les koufars, pour combattre les religions. C'est pas que l'islam, hein. À la base, c'était pour les gens du livre. Hein. Et aujourd'hui, ça a été pris, ça a été... Ils ont fait une mise à jour, et maintenant, c'est pour nous. C'est pour nous. Tayyib. Fawaid al-hadith. Tahrim salat ala al-ha'id wa adam sihatiha minha wa law sallat wa laysa alayha qadha ayyam haydiha ba'd al-tahr. Donc ici, il me prouve qu'il est interdit à la femme de faire salat lorsqu'elle a ses menstrues. C'est interdit. Si elle fait salat, elle a commis un péché. Elle n'a pas le droit. Et que sa salat, elle est invalide si elle l'a fait. Et qu'elle n'a pas à rattraper ces jours de salat manqués. Ça, c'est une rahma pour elle. Touche ces jours de haïd, par contre, le siyam, elle rattrape. Quelqu'un va avoir trouvé une logique. Justement, ça, c'est un test pour nous. Il n'y a pas de logique à ce moment-là. Mais pas ta raison. Allah a décrété que tu rattrapes le siyam, mais pas la salat. Et pourquoi? Parce que le siyam, il vient qu'une fois dans l'année, le ramadan. Donc, tu peux le faire. La salawat, ça veut dire chaque mois, on va rattraper le salawat. Ça s'appelle saqil. ثانيا تحريم الصيام على الحائض ولكن تقضي قدر ما افطرته ايام حيضها. Donc il interdit également à la femme qui a ses menstrues de jeûner, cependant elle rattrape son siyam des jours qui lui ont manqué. Après, alhamdoulillah, elle peut plus rattraper tout d'un coup. Elle peut rattraper un jour par-ci, un jour par-là. Mais elle doit rattraper avant que le nouveau Ramadan il arrive. ثالثا أن الحائض لا تأثم بالترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي. Que la femme qui a ses menstrues ne prend pas de péché en laissant la salate. D'ailleurs, elle prendrait un péché si elle la faisait. Donc en réalité, pour elle, c'est une ibadah de ne pas le faire, donc elle est récompensée de laisser la salate. Cependant, elle a moins de récompense que celui qui fait la salate. Donc encore une différence qu'entre l'homme et la femme par rapport à ça. رابعاً أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص. Et que la foi, justement, diffère, elle peut être plus haute chez des gens est plus basse. Pour preuve, lorsque la personne ne fait pas salat, sa foi elle baisse. D'où ce hadith qui le prouve. Khamisan an as-salat wa as-sawm dakhilatun fi ism ad-din, et que la salat et le siyam sont partie incluse de la religion. Sadisan an man kathurat ibadatuhu zada imanuhu wa dinuhu wa man naqasat ibadatuhu naqasa imanuhu wa dinuhu. Que la personne qui fait beaucoup d'adoration, sa foi va monter. Sa religion va se raffermir. Quant à celui qui fait moins d'adoration, sa foi va baisser et sa foi et sa religion sera moins ferme également. Sa foi sera moins ferme. طيب هذا الذي اخذنا اليوم من هذين الحديثين نكتفي بذلك فسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.